j'ai sûrement grandi un peu trop vite. Un peu trop tease, un peu trop cheat. Beaucoup trop de flics, la hantise. La zone pris les sorties de route qui te laisse mon route tétraplégique. On met ça sur le coup du sort, plus facile que d'assumer ces conneries. Ces conneries. Les années sont passées tellement vite, trop vite même. J'aimerais t'arrêter le débit aussi facilement que le BBM de ma musique. Vite prolétaire, service minimum, sans ABS, rétrospective sur disque. Toujours les mêmes thèmes qui foutent le cafard à ceux qui ont passé la trentaine. Ainsi que les parias du système qui végètent au placard. Placé en quarantaine sans parloir. Quelques parents l'ont l'air pour ceux de ma génération. Je crois pouvoir employer le terme d'ex-jeune pour mes anciens sans gêne. Une histoire sans fin, on pourrait presque le croire. Éternel comme le Highlander après tant d'années dans le rap. Le mal de vivre la plus actuelle des maladies. Mélodie triste pour mettre en lumière mon récit. Cette vie est trop speed, on vieillit trop vite. Du jour au lendemain on t'enterre, trop de mal à suivre. Le mal de vivre la plus actuelle des maladies. Mélodie triste pour mettre en lumière mon récit. Cette vie est trop speed, on vieillit trop vite. Le jour et la nuit s'alternent vers le bad trip, je confirme. Le sablier de ma vie s'écoule bien trop vite. Donc j'étale des tonnes d'histoires par écrit. Parcours chaotique gravé à jamais sur disque. Avant que mes récits ne tombent dans l'oubli. La chandelle de ma vie se consume tellement vite. L'air est pollué par une forte odeur de paraffine. Le temps se fixe, le temps d'un court récit. Un autre chapitre avant que la fin du livre me paralyse. Déchire la page quand c'est mauvais. Je fais une croix sur les moments passés qui m'ont laissé un sale goût. Mes cicatrices, vestiges de faux pas. J'ai déconné plus souvent qu'à mon tour. Je l'avoue, mais à culpa, je plaide coupable. Comme si mes actes avaient quelque chose d'honorable. L'ignorance principale caractéristique de la jeunesse. J'ai pris de l'âge, la vie m'a mis du plomb dans la tête. Forcément tortueux est le chemin qui mène à la sagesse. Le mal de vivre la plus actuelle des maladies. Mélodie triste pour mettre en lumière mon récit. Cette vie est trop speed, on vieillit trop vite. Du jour au lendemain on t'enterre, trop de mal à suivre. Le mal de vivre la plus actuelle des maladies. Mélodie triste pour mettre en lumière mon récit. Cette vie est trop speed, on vieillit trop vite. Le jour et la nuit s'alternent, very bad trip, je confirme. Il n'y a pas plus de réconfort sur terre qu'aux cieux. Il n'y a que nous, infimes, solitaires, combatifs, malveillants envers autrui. Cette prière ne s'adresse qu'à moi et ne concerne que mon salut.